retraite de méditation Vipassana dirigée par le vénérable Sayadaw Unanujota Bivamsa, centre d'Amarancy 2020. Sayadaw va poursuivre son enseignement qui portait sur les 9 causes de renforcement des 5 indriyas. Il a déjà parlé des 7 premières causes au cours des enseignements qui ont précédé. Aujourd'hui, il parlera de la 8e et de la 9e cause. Lorsque le méditant sera submergé par des sensations désagréables qui vont inévitablement se produire au cours de sa pratique ou par d'autres obstacles, il devra faire preuve de patience et de persévérance. C'est la 8e cause pour le renforcement des indriyas. Le méditant devra donc faire preuve de persévérance pour surmonter l'impression d'ennui et de lassitude qui va inévitablement se manifester à ce moment-là. En effet, il devra noter de façon courageuse et répétée, sans aucun attachement ni pour le corps ni pour la vie, lorsque ces sensations très désagréables vont se manifester. Au stade avancé de la pratique, le méditant expérimente toutes sortes de sensations désagréables et en conséquence, son esprit deviendra déprimé, découragé. Ceci n'est pas rare. Le méditant sera alors tenté de changer de posture. Il a l'impression que sa pratique s'est détériorée, qu'il ne note plus aussi bien qu'avant. Il y a tellement de douleur. Il aura l'impression d'avoir perdu sa bonne pratique et il n'a plus la patience d'observer. Mais le méditant doit comprendre que ce ne sont pas les sensations désagréables qui sont devenues intenses. En fait, il expérimente ce type de sensations depuis la naissance, il les a toujours eues en lui. Mais comme son attention n'a jamais été dirigée vers ces sensations, il n'en était pas conscient. Maintenant, sa pratique a progressé, son attention s'est fort développée et il voit tout cela beaucoup plus clairement. Ce n'est pas la sensation qui s'est intensifiée, mais c'est la qualité de son observation qui est devenue beaucoup plus pénétrante. Si vous vous montrez patient et que vous observez de façon pénétrante ces sensations désagréables, vous réussirez à comprendre leur nature. Il faut observer ces sensations douloureuses de façon très précise, très pénétrante. Si vous le faites, vous verrez que par moments, elles augmentent d'intensité, elles se déplacent. Le méditant pourra également constater que son esprit est tout sauf immobile. Au début, il ne voit pas tout cela. Il n'est pas assez concentré pour le voir. Mais maintenant, il est devenu calme, serein et capable d'observer de façon pénétrante et il voit la nature de l'esprit. Il voit qu'il ne peut pas contrôler cet esprit sauvage. Ceci veut tout simplement dire qu'il voit, qu'il réalise directement par lui-même la nature sauvage de l'esprit. Un yogi qui n'est pas expérimenté se sentira très découragé lorsqu'il constatera qu'il est de nouveau en proie aux souffrances physiques et aux souffrances mentales alors qu'il pensait les avoir surmontées. il est bien obligé de voir qu'elles sont de nouveau là. Il pense que sa pratique s'est détériorée et il perd le moral. Mais s'il persévère, qu'il continue à observer de façon pénétrante, malgré la douleur, il verra tôt ou tard la nature de ses sensations. Vous devez diriger votre attention au centre même de la douleur. Essayez de la localiser avec précision. Lorsque la douleur devient très intense, il y a deux stratégies possibles. Vous l'observez très attentivement et vous verrez apparaître après un certain temps le désir de changer de posture. La douleur est devenue insupportable. Vous pouvez alors poursuivre votre observation, mais de façon moins concentrée. Vous prenez un peu de recul. Il faut savoir qu'au fur et à mesure de l'approfondissement de la concentration, la sensation devient de plus en plus intense, elle est comme amplifiée. C'est tout simplement dû au fait que vous observez de façon très concentrée et ceci vous la fait voir comme plus intense qu'elle ne l'est en réalité. Vous prenez donc un peu de recul, vous continuez à l'observer, mais de façon plus lointaine, à distance. La concentration sera alors moins forte. C'est la première stratégie. La deuxième stratégie consiste à abandonner carrément cette sensation douloureuse et diriger l'attention vers l'objet primaire que vous essayez d'observer sans interruption. Vous anesthésiez temporairement la sensation douloureuse qui ne pourra plus se manifester dans votre esprit car il est monopolisé par l'observation de l'abdomen. Dès que vous sentez que vous avez récupéré de l'énergie, vous recommencez à observer la sensation douloureuse de façon pénétrante. Au stade avancé de la méditation Vipassana, lorsque les sensations désagréables deviennent très intenses et que d'autre part les connaissances vipassana sont développées, il n'est pas rare que les méditants réussissent à les surmonter en les observant de façon pénétrante. Ces méditants pourront alors se débarrasser de leurs anciennes maladies. Il est possible de se débarrasser d'anciennes maladies, comme par exemple des maux d'estomac, des maux de tête, ou encore des maladies plus graves, par la pratique de Vipassana. Mais le méditant devra faire preuve de patience et de persévérance lorsqu'il sera confronté à ces sensations douloureuses. Il est inévitable qu'elles se manifestent lorsque la pratique atteint des niveaux supérieurs. Cet état d'esprit de patience et de persévérance au moment où les sensations deviennent très intenses constitue le huitième facteur de renforcement des cinq indriyas. Le neuvième facteur de renforcement des indriyas consiste à observer de façon déterminée tout ce qui se manifeste en soi jusqu'à ce qu'on ait atteint la fin du chemin. Tant que le but ne sera pas atteint, le yogi ne devra pas baisser les bras, il devra poursuivre son entraînement à sila, à samadhi et à panya jusqu'à ce qu'il ait atteint le but. Cette détermination à poursuivre la pratique constitue donc le neuvième facteur de renforcement des indriyas. Vous qui êtes ici, chaque jour vous prenez les préceptes moraux. Votre entraînement à Sila est donc accompli. Vous pratiquez la méditation en posture assise, en marche et dans les activités quotidiennes, depuis tôt le matin lorsque vous vous réveillez, jusque tard le soir lorsque vous allez vous coucher. Vous développez ainsi samadhi, la concentration. Votre entraînement à samadhi est également accompli. Le devoir du yogi, c'est de noter sans interruption tous les phénomènes physiques et mentaux qui se manifestent à l'intérieur de lui à chaque instant. C'est samadhi sika, l'entraînement à la concentration. On peut s'entraîner à samadhi soit par la pratique de samatha, soit par la pratique de vipassana. Ici, vous pratiquez vipassana et vous développez donc samadhi par vipassana. Mais vous développez également la concentration par samatha, en ce sens que vous pratiquez tous les jours les quatre méditations protectrices: metta bhavana, buddhanusati, asubha bhavana et maranasati. Ces quatre méditations protectrices appartiennent en effet à samatha. Par samatha, il est possible de développer la concentration et donc de se purifier l'esprit. Mais on ne développe pas la sagesse par samatha. C'est impossible. Par contre, vipassana développe à la fois la concentration et la sagesse. Lorsque votre concentration sera devenue forte, vous verrez la véritable nature des phénomènes physiques et mentaux que vous observez. C'est la sagesse. Vous verrez la nature de tous ces phénomènes et cette connaissance sera personnelle par expérience directe dans votre propre corps et votre propre esprit. Ce ne sera pas une connaissance intellectuelle. Vous notez tout ce qui se manifeste en vous à chaque instant et vous le faites sans interruption. Vous êtes devenu capable de tout noter sans omettre aucun objet et vous vous donnez ainsi une chance de comprendre la véritable nature de tous ces phénomènes et de développer vos connaissances vipassana qui vont atteindre les niveaux supérieurs. Tant que la fin du chemin n'aura pas été atteinte, vous ne devez pas baisser les bras, vous devez continuer à noter avec courage. Vous avez pris la décision de participer à cette retraite et vous avez développé le premier type d'énergie, Aramba Dhatu. C'est l'énergie de décollage, l'énergie qu'il vous a fallu pour prendre cette décision, arriver au centre, vous installer, écouter les instructions et commencer à pratiquer. Tout ceci fait partie de ce premier type d'énergie. Après quelques jours, vous allez commencer à expérimenter des sensations désagréables. Vous devrez les observer. Et cela va vous paraître très fastidieux, très fatigant. Vous n'avez plus beaucoup d'enthousiasme pour la pratique. Vous devenez paresseux. Vous devrez alors faire face et continuer à observer. Il vous faudra pour cela faire appel au deuxième type d'énergie, une énergie renforcée, celle qui va vous permettre de faire disparaître l'ennui, la paresse et de vous faire reprendre votre observation pénétrante de toutes ces sensations désagréables. C'est Nekama Dhatu, l'énergie renforcée, celle qui permet aux méditants de surmonter la paresse face aux sensations désagréables et l'ennui. Votre pratique va alors encore se développer et, après un certain temps, vous devrez fournir le troisième type d'énergie, Parikama Dhatu, qui va vous permettre de passer successivement par toutes les étapes de connaissance vipassana pour finalement vous faire atteindre votre but, Nibbana. Votre méditation aura alors atteint les stades très avancés et vous serez en mesure de réaliser Nibbana. Il y a donc trois types d'énergie que le méditant devra fournir s'il veut atteindre son but. Le premier, c'est Arambha Dhatu, l'énergie du décollage. Le deuxième, c'est Nekama Dhatu, l'énergie renforcée. Et le troisième, Parikama Dhatu, l'énergie d'accomplissement qui vous permet d'atteindre votre but. La neuvième cause pour le renforcement des facultés de contrôle consiste donc à prendre la résolution de mener la pratique à son accomplissement, de ne pas abandonner tant qu'on n'aura pas atteint le but. Efforcez-vous donc d'introduire en vous ces neuf causes pour le renforcement des cinq indriyas. Lorsque vous décidez de participer à une retraite vipassana, vous devez vous assurer la présence de ces neuf causes pour le renforcement des indriyas. La première de ces causes consiste à comprendre que tous les phénomènes que l'on observe ont la nature d'apparaître et de disparaître. Ensuite, il faudra travailler de façon respectueuse et pénétrante pour voir vraiment cette cessation des phénomènes. C'est la deuxième cause. La troisième consiste à maintenir cette forte attention de façon à observer sans interruption tous ces phénomènes qui n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître. Vous devez atteindre la continuité de l'attention. Il faudra que vous pratiquiez en posture assise, en marche et dans les activités quotidiennes. Il ne faudra pas qu'il y ait d'interruption d'attention. C'est la troisième cause. Le méditant devra ensuite s'assurer la présence des sept convenances. Le cinquième facteur de renforcement des indriyas consiste à se souvenir des circonstances dans lesquelles on se trouvait lorsque la méditation était particulièrement bonne, de façon à pouvoir les réintroduire lorsqu'on sera en difficulté. Le sixième facteur de renforcement consiste à faire appel aux facteurs d'éveil appropriés lorsqu'on sera en difficulté et que la concentration faiblira. Il y aura parfois excitation, excès d'enthousiasme, agitation à cause de bonnes expériences. En conséquence, la concentration va faiblir. Mais il est possible également que ce soit le contraire et que ce soit la dépression qui apparaisse parce que le méditant se sent découragé et ne progresse plus. Il faudra alors faire appel aux facteurs d'illumination appropriés. Trois facteurs spécifiques pour l'excitation, trois facteurs spécifiques pour la dépression. Le septième facteur de renforcement des indriyas consiste à persévérer dans son effort sans aucune considération ni pour le corps ni même pour la vie. Il faudra faire preuve d'un effort tout particulier pour observer les sensations désagréables qui, à certains stades, vont devenir très intenses. Le huitième facteur consiste à surmonter les sensations douloureuses, dukkha vedana, quel que soit le stade auquel on se trouve. Le méditant doit réussir à surmonter toutes les sensations douloureuses. Toutes les sensations qui vont se manifester tout au long du chemin Vipassana devront être surmontées. Et le neuvième facteur consiste à être déterminé à poursuivre la pratique sans baisser les bras jusqu'au moment où l'on aura atteint la fin du chemin. Sayadaw vous souhaite à tous d'introduire en vous ces 9 causes pour le renforcement de vos indriyas, de fournir l'effort nécessaire et de réaliser Nibbana qui est votre but. Sadhu, sadhu, sadhu.